Exercice 2, page 12. A. Il mange. Il a mangé. B. Il a faim. À la fin. C. Il mange, mais pas moi. Il mange du maïs. D. Il a reçu. Il recule. E. Dîner. Diriger. F. C'est où? Tu veux de l'eau ou du vin? G. C'est sur la table. Tu es sûre?